Planète Rap. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne, juste après Difool, 100% rap français, avec encore beaucoup, beaucoup de sons. Il était l'invité cette semaine dans Planète Rap, il s'appelle Giorgio, l'album est sorti aujourd'hui, Era, à pas louper, c'est dans les bacs. Dès maintenant, on va débuter avec L'Espoir, meurt en dernier. Juste après, on fera un tour aux côtés de l'entourage de Giorgio avec Sneezy, le remix avec Alpha One et Nekfeu de Wemex arrive. Et puis plein de nouveautés, plein de bons sons, vous êtes prêts? Coup d'envoi de la nocturne, c'est 100% rap français. Planète Rap, 100% rap français. Sans guérison, je suis un enfant du divorce. À chaque feu rouge, je pars au front. Un maquisard bourré dans les bars de Lisbonne. Du vin rouge et des promesses, voilà de quoi partir pour un an. Le bonheur, je sais très bien que ça dure qu'un temps. J'irai au bout de ma quête. Je cherche l'apaisement et j'ai la soif de vin. Je le ferai pour cet adolescent, les veines ouvertes dans sa salle de bain. Faut y croire chaque matin. Tu te rends compte, je vis de ma passion, faut qu'on s'élève. Ne regarde pas derrière et prends ma main. En plein dans la vingtaine, j'ai l'impression que c'est maintenant ou jamais. On va de l'avant, même si les regrets nous courent après. On pourra dire qu'on aura fait, les autres ils diront quoi? Ils jugeront tel un esprit fermé face à un punk iroquois. On essaye de vivre nos rêves, même quand on s'affiche en bas. Je traîne avec des prix Nobel et des mecs pris en flag. Résultat, des anecdotes sur Fleury, la santé ou même mot. Overdose de Paris de ces ghettos. Mamalo va papa love, que les miens soient garants. J'en presque tout à mes parents, y'a trop d'amour et c'est flagrant. Et pas tant, je vois des bâtards m'envier. Comme moi j'envie d'autres bâtards, y arriver c'est difficile, on laisse du sang sur l'étendard. Je mets pas de près de moi, ils savent que je suis ma bête noire. Il manque une crouma sur quelques dates, je dors pas en belle soir. À chaque déception, on me répète que c'est ça la vie. Même face au destin écourté de Mouchine et Laramie. Très peu de monde dans mon cercle d'amis. Et oh, avec, je vais attraper le bonheur. C'est mon lasso, c'est mon paradis. Senti mais pas fragile, beaucoup de choses m'attendrissent. Tu veux savoir ce que j'ai dans le beat? Je suis la Loire qui jette dans l'Atlantique. J'essaye de faire en sorte que chaque jour soit mieux que la veille. Prépare la mélancolie, j'aspire les vapeurs de mon pote. Il m'avait pourtant promis d'arrêter la beuh indienne, tu sais. Celle qui t'emprisonne dans ton lit, je lui raconte ma vision de l'Écosse. Les plaines plus vertes que sa drogue, mais pour lui peu importe. Parfois j'ai peur de mourir incompris comme marteau. Je recule loin des autres, je vais pas finir entre le marteau et l'enclume. J'ai laissé mes doutes les plus dangereux sur le tarmac. L'aéroport, théâtre à ciel ouvert, je veux être le roi du spectacle. Adulé, voir mes blessures se refermer. L'espoir meurt en dernier. Giorgio, le morceau s'appelle Malik. C'est la nocturne 100% rap français. Je crois qu'on avait 16 ans à tout péter. Je m'en rappelle, il pleuvait, pourtant c'était un jour d'été. On était quoi, 4-5 refs, pas plus hein. Ouais, c'est ça, ils zinc de Malik venait d'avoir une BM9. Rien qui faisait crier les pneus, pleurer les freins, monter à 100 quelques secondes. On était fous à cette époque, on était tous en quête de rond. Touchez moi le lendemain de soirée, ça peut le vomir sur mes draps. Changer la part, j'apprends ce moment où papa reviendra. Une fois fini, comme une récompense, la plus arrête, on descend tous. Pourquoi faire, je sais plus, on est dans le flou. Autant profiter du beau temps, après la tempête qui t'a svané. Autant le faire dehors, sous un arc-en-ciel. Et là, cousin Malik descend de sa BM. Mais nous raconte de belles histoires, monopolise la parole d'une manière interminable. Malik lui demande les clés, la suite je m'en rappelle pas. Je me souviens de nos yeux étonnés quand il accepta. Malik, je repense à Malik. Malik, te rappelles-tu de Malik? Les clés et les plus vifs couraient après, mais le cousin a dit personne monte. Moi je veux pas de soucis. Ah ouais, on entendait la BM un peu partout. Il avait pas menti, c'était un vrai pilote. Accélérait, criait des feux, nous criait. On était fous, Malik écrasait les pédales comme pour fuir son père ivrogne. Pour dire son permis, quelle sensation. Il avait l'impression d'être libre. D'emmerder le monde, faisait gronder le moteur pour père aux filles. Fallait ramener la caisse, suivi par les flics qui commencent à flipper. Il loupe un stop, puis écrase un cosse devant le centre aéré. Je repense à Mali, Mali. réfléchirait vite. 10 000 questions dans sa tête, est-ce que le petit est mort? Va-t-il prendre cher? Doit-il s'arrêter et reconnaître ses torts? Le cerveau contre la pute-tête, il tente d'échapper aux flics. Prend trop triste, même pour un as de la vitesse. Pour éviter une caisse, Malik monte sur un trottoir. Finit dans une cabine téléphonique, sort de la peine. C'est trop tard. Je voulais juste une balade dans un carrosse, finira au placard avec les menottes. Et aujourd'hui, tous ses potes sont des fantômes. Pendant que la mère du môme meurt chaque jour dans ses sanglots. Je voulais juste une balade dans un carrosse, finira au placard avec les menottes. Et aujourd'hui, tous ses potes sont des fantômes. Pendant que la mère du môme meurt chaque jour dans ses sanglots. Français, ce morceau Malik, aussi pour vous rappeler que ce soir c'est vendredi soir, tranquille sur la bagnole. Trop éclaté, pas de voiture à conduire. Prenez un Sam. Écoutez le son de la nocturne, ça va mettre bien tout le monde dans votre bagnole, en bas de chez vous, à la maison. C'est 100% rap français, balancez le hashtag la nocturne sur Skyrock. Sneezy, Alpha One, Nekfeu maintenant. Nino qui se prépare. Kalash criminel aussi. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Ouais mec, y'a tout mon squad dans le VIP. Ouais mec, pourtant je regarde dans le vide. Yeah. Dieu a béni mon équipe, je dis amen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ouais mec, y'a tout mon squad dans le VIP. Ouais mec, pourtant je regarde dans le vide. Yeah, yeah. Dieu a béni mon équipe, je dis amen. Comme Marshall quand tu vivais dans son mobile lomino. Je n'étais qu'un innocent bambino. Je ne serais sûrement resté sans Babylone. Maintenant je suis dans des ambiances un peu moins mignonnes. Le Fennec c'est pas moi, c'est un peu mon binôme. Je suis vénère comme le futur père de Mago. Je fais mal comme le père de Michael. Je suis hal comme le père de Malcolm. Dès que je passe en public avec une mannequin, ça me regarde. Ce qui se passe en privé avec cette mannequin, ça me regarde. Les femmes peuvent transformer un homme en fuyard. Tu veux te rapprocher de moi via un des nombreux membres de ma mafia. Si t'y arrives c'est que tu demandes au moins fiable. Ces infos sont très nocives. Je suis un jeu qui n'a pas le temps, ne m'appelle pas par mon prénom si je ne connais pas le tien. On est regroupé, si jamais tu roupies, t'auras pas un roupie. Si tu commences par je ne suis pas une groupie, c'est que t'es une groupie. Ouais mec, y'a tout mon squad dans le VIP. Ouais mec, pourtant je regarde dans le vide. Yeah, yeah. Dieu a béni mon équipe, je dis amen. Yeah yeah yeah yeah. Ouais mec, y'a tout mon squad dans le VIP. Mec, pourtant je regarde dans le vide. Yeah, yeah. Dieu a béni mon équipe, je dis amen. Les oracles depuis l'époque des BN comme Adem. J'ai pas la couleur que des DM. Mélange le purple, drink et la MD. Actrice américaine m'envoie des DM. Un double 9-5 ça vaut de l'or. Jusqu'à l'infini et au-delà. Le prix du feat c'est ton salaire annuel. Le prix du feat c'est la Audemars. J'sors du studio, le son des boîtes. J'vais l'écouter dans la benzo. T'as voulu baiser avec mon ex dans mon dos. Mais rebeu tu t'es fait friendzo. Tu fais pas le fou car t'as pas le wash. Tu vois mon squad et tu parles noir. Tu m'aperçois dans une sale gauve. Mais le bolide est passé au car wash. Ouais mec, y'a tout mon squad dans ta bitch. Ouais mec, t'achètes une Rolex, on donne la réplique. Tu craches sur lui mais Nekfeu n'a pas ton temps. C'est Catherine de Neuf qui lui donne la réplique. Y'a tout mon squad dans le cœur et VIP. Amen. Ouais, ouais mec, y'a tout mon squad dans le VIP. Ouais mec, pourtant je regarde dans le vide. Yeah, yeah. Dieu a béni mon équipe, je dis amen. Yeah yeah yeah yeah. Ouais mec, y'a tout mon squad dans le VIP. Ouais mec, pourtant je regarde dans le vide. Yeah yeah. Dieu a béni mon équipe, je dis amen. Y'a elle, y'a moi, y'a mon ho. Comme d'hab, on rôde. Dans le film sur le squad, Denzel jouera mon rôle. Ma mère mérite des diamants roses. Y'a la famille au bled et aux States vers New York. J'envoie plein de Western Union. Quoi qu'il se passe, on va trouver l'échec. La clique est dans l'établissement. Sacrifier des vaches et des poulets et des chèvres. Appelez le marabout, sortez les talismans. Je suis en vacances, le bateau approche vers la Corse. Et je pense à ce gars qui approche la poste avec le flingue dans la sacoche Lacoste. J'arrive en mode Uber Pop, mais je repars dans une belle Porsche et roule, roule, roule. Elle conduit, elle est super bonne. L'album arrive. Je vais vous foudroyer, où que vous soyez. Et je connais rien en médecine, mais j'arrive toujours soigné. Ouais, mec, il faut qu'on vive. Y'a tout mon squat dans le mariage, là les convives. Pour ceux qui sont là depuis le jour, on passe qu'on fuit. Pas besoin de confort, on se confie quand on se confine. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, mec, y'a tout mon squat dans le VIP. Ouais, mec, pourtant je regarde dans le vide. Yeah. Dieu a béni mon équipe, je dis amen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ouais, mec, y'a tout mon squat dans le VIP. Ouais, mec, pourtant je regarde dans le vide. Yeah, yeah. Dieu a béni mon équipe, je dis amen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ouais, mec. Squad au zénith, ouais mec, mais on prépare déjà Bercy, je dis amen. 1er décembre à Bercy. Amen. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Zaïroi sauvage, 243 RAS. C'est vrai, RGT, venu la grande borne. Que des sauvages. Sauvage, sauvage. J'suis posé à la cité, comme à la maison, mon gars, j'suis pépélé. Dans la vie, c'est donnant, donnant. Y'a rien que Ophélé. J'leur mets que des coups de pression, comme quand le daron te dit, éteins la télé. Pas de rugbyman man chez nous, mais tout le monde participe quand y'a la mêlée. J'vais tous les rafaler, écouter la symphonie. J'ai entendu rapper, je me demande si c'est des Poucaves ou des Tommy. Ils font tous les tucks dans les peuclis. Ah la Montana Tony, vos rappeurs qui dansaient à Châtelet. Ah ouais. La tectonique ou le logo B. Fais pas le godin, amène mes yébis. Fais pas le godin, amène mes yébis. D'ici à 13 piches, déjà sa bibi. Ah ouais. Masta ma petit ma baby. Le paradis chassa à toi là à Babi. Chadakar ma coconatri. Sauvagerie. Comme un taf en ville si t'es yégri. Je vais tous les traumatiser. Qui pourra rivaliser? Du mal à réaliser. Sauvage. Des rappeurs carbonisés. Sauvage. Sauvage. Sauvage. Je vais tous les traumatiser. Étant petit, je cassais des bouches. Juste pour me canaliser. Léopard du Zaïre traîne avec éléphants et des lions indomptables. Grand, petit, moyen, respecte tous ceux respectables. Ma prof d'histoire connaissait pas Thomas Sankara. Je trouve ça regrettable. En 2016, ils savent pas tous rapper. Ils savent faire des dames. Touche à la famille des crimes, on va commettre. T'as beau faire 2 mètres, pour t'enterrer, il suffit d'un 9 mm. Sauvage! La truche, la mécra, les rappeurs vont t'écras, demande à IPK. Moi, je suis un all black, mais c'est le 47 qui fait le AK. Y'a rien de personnel, c'est que du business. On porte la haute couture et nos coronets. Kalash, faut faire du sale. Ah ouais? Kalash, faut faire du sale. Ah ouais? Je vais faire du sale, c'est promis. Et je tiens toujours mes promesses. Je vais les traumatiser. Qui pourra rivaliser? Du mal à réaliser. Sauvage. Des rappeurs carbonisés. Sauvage. Sauvage. Sauvage. Je vais tous les traumatiser. Étant petit, je cassais des bouches. Juste pour me canaliser. Je vais tous les traumatiser. Qui pourra rivaliser? Du mal à réaliser. Sauvage. Des rappeurs carbonisés. Sauvage. Sauvage. Sauvage. Je vais tous Kalash. Les traumatiser. Criminel. C'est dans les bacs. Sauvagerie. C'est la nocturne 100% rap français. Kalash criminel bientôt dans Planète Rap. Restez à l'écoute entre 20h et 21h. Et puis lui débarque dès lundi. On l'attend avec impatience. Le retour de Caris. 100%. 100%. Planète Rap. Lundi 20h 21h. Caris débarque de nouveau dans Planète Rap. 2-7. Blue. Zongo, Zongo le dozo, Zongo le dozo, Zongo le dozo. Putain, j'ai dit putain. À la street, je suis fiancé. Zongo, elle est.

fais au chasse ou à main nue. Si tu savais de quoi j'étais muni, tu risquerais de tomber tes nues. Que des arnaques, des magouilles, des escroqueries. Comme les présidents de foot italien. Vous pensez qu'il y a haja, moi je vous dis qu'il y a rien. Vous pensez qu'il y a haja, moi je vous dis qu'il y a rien. Qu'est-ce que tu croyais, hein, qu'est-ce que tu croyais. Bien sûr que la fin justifie les moyens. Si tu brasses, les chemises voudront te noyer. Au comico, je ne serai jamais loyal. Rappelle plus tard, poto, je suis pas joignable. J'ai la vingtaine, mais je mérite la place du doyen. La vingtaine, mais je mérite la place du doyen. Fils de putain, mais qui t'a dit de me tutoyer. Moi je vais salir, toi tu vas nettoyer. Ou bien niquer ta propre mère dans les toilettes. N-N-I-I-N. J'te résume le rap en trois lettres. Le rap, tiens, et j'ai bientôt fait le tour. Et je me sens comme Louis XVI en promenade dans ta cour. Chéri Coco, mon bébé d'amour. Fais-moi agraï et j'te fais l'amour. Somnambule, somnambule. J'trouve pas le sommeil, j'pars en voiture. Je ne dors plus. Non, je ne dors plus. Somnambule, somnambule. J'trouve pas le sommeil, j'pars en voiture. Je ne dors plus. Non, je ne dors plus. Nino, somnambule dans la nocturne. L'artiste maintenant. J'arrive pas avec le fa. C'est la nocturne 100% rap français. La vie de rêve, la vie de rêve. Planète Rap 100% rap français. Chance que je sorte de l'ombre, mon cœur va sauter. Car plus tu t'éloignes et plus je tombe. Comment te dire que je regrette tous nos délires, notre vie secrète. Je n'ai pas su tenir toutes mes promesses. Mais vas-y, réponds, s'il te plaît, arrête. Un jour ou l'autre, faudra qu'on s'explique. Je peux pas couper les ponts. J'ai ma fierté, même si je t'estime. Je peux pas passer l'éponge. Un jour ou l'autre, faudra qu'on s'explique. Je peux pas couper les ponts. J'ai ma fierté, même si je t'estime. Je peux pas passer l'éponge. Comment te décrire tous mes sentiments. J'ai vécu ton absence comme un châtiment. Non, non, non, non, j'arrive pas. Non, j'arrive pas à t'oublier. Non, non, non, non, j'arrive pas. Non, j'arrive pas à t'oublier. Et tu m'as tourné le dos. Tourner le dos. Donc tu m'as brisé le cœur quand tu m'as dit que tu t'en allais. Ouais. Retour à la solitude après tant d'années. J'ai vécu notre histoire sans savoir qu'elle était condamnée. T'as vécu notre histoire avec le doigt sur le cran d'arrêt. Ouais, t'as claqué la porte et tu t'es braqué. Moi j'ai voulu la force et tu t'es senti traqué. Quand j'ai compris que c'était réellement fini, j'ai craqué. J'ai dit des choses sur lesquelles je ne pourrais pas me rétracter. Les mots ont fusé comme des balles, on s'est fait mal. Comment t'as fait pour rester de marre? Oui, j'ai fauté, mais toi aussi. J'suis pas tout blanc, tu ne l'es pas non plus donc. Un jour ou l'autre, faudra qu'on s'explique. J'peux pas couper les ponts. J'ai ma fierté, même si je t'estime. J'peux pas passer l'éponge. Comment te décrire tous mes sentiments? J'ai vécu ton absence comme un châtiment. Non, non, non, non, j'arrive pas. Non, j'arrive pas à t'oublier. Non, non, non, non, j'arrive pas. Non, j'arrive pas à t'oublier. Et tu m'as tourné le dos, j'ai fauté. Redonne-moi une chance que je sorte de l'ombre. Mon cœur va sauter. Car plus tu t'éloignes, plus je tombe. Comment te dire que je regrette tous nos délires, notre vie secrète. Je n'ai pas su tenir toutes mes promesses. Mais vas-y, réponds, s'il te plaît, arrête, arrête. Comment te décrire tous mes sentiments. J'ai vécu ton absence comme un châtiment. Non, non, non, non, j'arrive pas. Non, j'arrive pas à t'oublier. Non, non, non, non, j'arrive pas. Non, j'arrive pas à t'oublier. Et tu m'as tourné le dos, tourné le dos. Comment te décrire tous mes sentiments. J'ai vécu ton absence comme un châtiment. Non, non, non, non, j'arrive pas. Non, j'arrive pas à t'oublier. Non, non, non, non, j'arrive pas. Non, j'arrive pas à t'oublier. Nocturne à écouter maintenant. Je ne peux pas, je ne peux pas. Après le son de l'artiste dans les bacs. Je ne peux pas t'oublier. Avec le fa, j'arrive pas. Je ne peux pas. Planète rap, 100% rap français. Eh ouais, ouais yeah, ouais yeah, ouais yeah. Monsieur Rimka, 113, cellophané. J'ai le tampon du roi du Maroc sur ma plaquette. On verre du champagne à 1000 euros sur la moquette. Passe une soirée Marvelous avec une cartache. Traque mes sous à hamster avec mes cardèches. J'ai les pochetons avec les feuilles de canne. C'est la mafia d'Italie, le cartel de Cali. Devant le hall 13, je couperai des lamelles. Je fais sonner l'alarme incendie à l'hôtel. Nouvelle floraison, je me roule à pétard. Fabrication maison, là où il est du miel. Pour trouver le sommeil, assise du mat. La police laisse me rêver. Ils ont appelé la police pour moi. Ça sentait la weed devant chez moi. J'ai planqué mes billets, planqué la peufra. Je vais être en galère, peut-être en placard. Donc j'allume un gros spliff, nocif, gros spliff. En club, la gréco, je la cible. Je la cible, je me prends pour un grossiste. Smartphone pour la prison, c'est l'ophané. J'arrive à Medal, les coffres sont fermés. Une liesse de billets, c'est l'ophané. 20 grammes de peufra, c'est l'ophané. Sur le t-shirt, oui, de la frime gush. Elle en perd son string, elle en perd son gush. Pour nous c'est blèche, y'a pas de saison sèche. Et même quand le prix du kilo monte en flèche, je passe les crash tests, tous les alcotests. Quand la volaille arrive, pas meilleure cachette que les fesses. Dans l'habitacle, j'ai caché la PER. Et du nerf de chef Shewin dans la théière. Là c'est la via Marbella. On marche en l'air chez chez le narguilé. Avec les copains, on fait les grillades. Et ta mère t'es pas invité. Ils ont appelé la police pour moi. Ça sentait la weed devant chez moi. J'ai planqué mes billets, planqué la peufra. Je vais être en galère, peut-être au placard. Donc j'allume un gros spliff, nocif, gros spliff. En club, la gréco, je la cible. Je la cible, je me prends pour un grossiste. Ils ont appelé la police pour moi. Ça sentait la weed devant chez moi. J'ai planqué mes billets, planqué la peufra. Je vais être en galère, peut-être au placard. Donc j'allume un gros spliff, nocif, gros spliff. En club, la grigou, je la cible. Je la cible, je me prends pour un grossiste. Grossiste. Rap français. Ous dans la nocturne. Je suis dans ma caisse, je fais passer le temps, j'écoute ma tête. La concurrence est faible. En 6 mois de mixtape, princesse, t'avoue que je me la pète. T'auras pas le temps de faire la sieste sur ta grand-mère, la fille d'inceste. Viens le bonjour, mesdames, plus un geste. Regarde par terre, ouais, regarde par terre. J'ai pété des sommes astronomiques, j'ai pas fait profiter la matière. Que Dieu me pardonne, ouais. Hier j'étais rien, aujourd'hui je cartonne, ouais. C'était mon pote, c'est devenu une pute, je le pardonne, ouais. J'suis complètement bourré au chardonnay. J'prends ta fille, j'la fais dormir au Carlton. Sur la French Riviera, j'fais ce que j'veux. J'peux pas tous vous faire croquer, j'fais ce que j'peux. Smawan, gère mon planning, Glado, il me fait tirer sur le pet de bœuf. A2L elle m'appelle de la cabine téléphonique. A2L elle me rappelle de la cabine téléphonique. Ok. T'en plein, t'en plein, t'en plein, t'en plein, t'en plein, t'en plein, t'en plein, t'en plein. J'ai des liasses de Benjamin Franklin, ouais. T'en plein, j'ai des liasses d'argent sale, ben ouais. J'ai des Benjamin Franklin, ben ouais. On est dans la rue, dans le charbon, toi t'es en. J'fais des showcases, toi tu regardes mes stands. La SD et l'OC qui surveille mes sons. T'en plein, t'en plein, t'en plein. Ces fils de p'mon cri prend guerre les guides. Ils m'envoient des pics tout pété. On a mis un pied dans le game. Toi, tu nous as regardé nous la péter. Et puis on s'envole pour Dubaï. Amuse-toi bien à Luna Park. J'ai tapé un keuf, arraché des keufs devant l'espace Bonaparte. J'arrive dans ton club, j'me la pète, j'fais la rockstar. Aaron fait tirer deux. Y'a le videur qui me piste, rien qu'il piste. Mais on est dans le carré, sur veste de Chelsea, mille feuilles de cheesy. Depuis fait les fils de cette putain de caisse, j'ai dépensé sans compter. Je me suis fait connaître tout seul, j'ai pas fait rap contenders. Quand j'ai des problèmes, j'en ai plein la tête. Je n'arrive pas à sortir ma tête de l'eau. Ce hater se pense à moi jour et nuit, du coup il se prend la tête, ouais il se prend la tête. T'en plein, t'en plein, t'en plein, t'en plein, t'en plein, t'en plein. T'en plein, t'en plein, t'en plein, j'ai des liasses de Benjamin Franklin, ouais. T'en plein, j'ai des liasses d'argent sale, ben ouais. J'ai des Benjamin Franklin, ben ouais. On est dans la rue, dans le charbon, toi t'es en.

C'est aujourd'hui qu'on passe. Pas demain qu'on quittera le rap. J'ai dû rafler, rafler. D'aller, d'aller. Pénache me dis moi, salvé, salvé. Faut mettre bien la mif, donc faut mailler, mailler. Des euros dans ta poche, y'en a jamais assez. J'rêve de quartier, quartier. Va dire à mon ex, il a raté, raté. La daronne pense au bled, elle en a vraiment pas fait. J'me battrai jusqu'à ce qu'on puisse évader, fader. Le corps d'une princesse, visage maléfique. Tout est fake, ketchup, j'trouve ça magnifique. Tout marche pour moi, rien marche pour ces bitches. À croire que leurs bails sont paraplégiques. Ici on brasse autant qu'on bédave. Le Glock et le joint sont bien géchards. On en veut après ton héritage. Le pied et les yeux de cheveux. Ma mère était douce et sage. Laissez passer cet orage. C'est aujourd'hui qu'on brasse. Pas demain qu'on quittera le rap. Ma mère me dit douce et sage. Laissez passer cet orage. C'est aujourd'hui qu'on brasse. Pas demain qu'on quittera le rap. J'en peux, j'ai chat à fond, à fond. Je demande jamais l'accord ni le pardon. 9 de Imor et la belle Bosson. Ils sont tu bas sur 300 saisons. Cette pute, je ne fais que la fumer. Mais mon poumon me supplie d'arrêter. Des longues histoires tiendront pas la route. Ferme ta gueule pour abréger. Quel paradoxe, hé. Dès le matin, je suis mal lunée. Crache sur nous, faudra assumer. Trouve-nous là où là tu n'es pas. Autant qu'on bédave. Le Glock et le joint sont bien géchards. On en veut après ton héritage. Le pied et les yeux de chemin. Ma mère me dit de rester sage. Laissez passer cet orage. C'est aujourd'hui qu'on brasse. Pas demain qu'on quittera le rap. Ma mère me dit de rester sage. Laissez passer cet orage. C'est aujourd'hui qu'on brasse. Pas demain qu'on quittera le rap. Planète rap, 100% rap français. Ouais, des nitres de gaz. À la compo du jet héros. À 20 ans, j'ai fêté le million. Rap d'un second Pérignon. Mister You. Je m'occupe de toi, ton daron t'a remis. Toute l'amour est mort avant même d'être né. Ça pas compris, rembobine, remet. Investissement lourd, bénéfice crevé. On brasse pas une tonne pour gagner 15 kilos. On la manque d'aspect, demande à Vinou. Tu veux que le rap, passe-moi juste un stylo. Nique sa mère le commissaire, on donne pas de filon. Quand j'ai pas ouvert le monde, fallait juste un pilon. J'ai traversé le désert, putain, les chemins filons. Y'a qui croyait les casques, mes potes et moi filons. Les boycotts par sans brochette, que nous les enfilons. À 20 ans, j'ai fêté le million. Ratas ou Dom Pérignon. Ils hallucinent, ils sont sous champignons. Sans qu'en fait con que François Pignon. Longueur poste te plaît, reste mignon. C'est ton salaire que nous gosmions. En haute couture, nous nous habillons. Ce mystérieux ne fait pas plus. Ce soir, surveille ta mise, si elle veut me faire la bise. Ouga taga, moi j'ai bu de la tisse, donc je vais faire des bêtises. Ouga taga, toute la tête s'est ratée sur la piste, mon gars. Ouga taga, si t'es gavé, j'ai pas le bas, tu sais quoi. Ratatata, ratatata. Où sont passés tous mes traficantés? Et t'as de quoi vous alimenter? Du peur du golf, viens de la remonter. Et je les repère, pourquoi vous mentez? C'est pour mes frères qu'on finit me nanter. Mes paris comme les lieux de mes nantais. Mes frères au Belge et mes frères hollandais. Y'a de la frappe, de quoi vous inonder? Ça veut faire des maîtres et ça parle en auto. Ça parle en Renegade, ça parle en veto. La police nous resserre, le juge est un étau. On voit bien le vicaire, on sort du ghetto. À 20 ans, j'ai fêté le million. Ratas ou Dom Pérignon. Ils hallucinent, ils sont sous champignons. Sans qu'en fait con que François Pignon. Longueur poste te plaît, reste mignon. C'est ton salaire que nous gaspillons. En haute couture, nous nous habillons. Ou qu'à ta casse, elle fait pas pire. Elle fait pas pire. Ouais, ouais. Ce soir, surveille ta mise, si elle veut me faire la bise. Ouga taga, moi j'ai bu de la tisse, donc je vais faire des bêtises. Ouga taga, toute la tête s'est ratée sur la piste, mon gars. Ouga taga, si t'es gavé, vas-y, te mal, bah tu sais quoi. Ratatata, ratatata. Mister You Traficante. L'Algérino a écouté maintenant. Planète rap, 100% rap français. Coño, ataca. Recto. Palante. Aquí estamos, amigos. en Angelino. On s'enjaille dans le Clio. Esta loco mi amigo. On se tweet, on se check, follow me. Si tu me cherches, ça fait pousser les pecs et les pics sur la tête. Électrique, j'ai la pêche, te fais oublier la dèche. Tout l'hiver, on t'a fait l'été, on claque la fraîche. Tu fais trop ta belle, on te calcule pas. De toute façon, la piste est bondée comme un Calcutta. Ratatata, décollage immédiat. Attache les ceintures, destination Cuba. L'Algerino, on s'enjaille dans le Clio. Esta loco mi amigo. Hey, ta croce ton mojito. Monte son c'est l'Algerino. On s'enjaille dans le Clio. Esta loco mi amigo. On ramène du soleil, on redonne le sourire. Dans les temps, je te détends, rien ne sert de courir. Je te valide, tu me valides. Allez, monte dans la tire, on se contente de peu. Habitué au pire. La Havane, Alger, Marseille, Paris, c'est le danger. Tarabie, faut danser. Faut arrêter de penser. On a le son du ghetto. On a la classe avec ou sans dinero. Nocturne. Ice MC dans la nocturne. Curriculum. Yeah. Quand j'étais petit, je voyais des breakers tourner sur le sol. J'ai grandi loin des poules et des champs de tournesol. On va voler des bouteilles quand un grand du quartier ressort. À l'époque, j'en ai con, je tire mon avenir au sort. 8 ans, je prends le métro solo normal. Souffre d'hyperactivité, la daronne endort mal. Psychologue, éducateur et tout le tralala. J'ai de l'arnouna sur la gueule. Je suis un tenable comme d'hab. Et les héros du bendo me demandent quel est ton but. Y'a ceux qui font et y'a ceux qu'on bu. Y'a ceux qui la ferment et y'a ceux qu'on bute. Pour toi, c'est la cambouille ou les cambouilles. J'arrive au collège, c'est le feu. La guerre mondiale 1999, année magistrale. C'est l'époque des francs. Les grands se régalent. Qui dit moins de technologie, dit plus d'argent sale. On en a vu des extincteurs tomber des fenêtres. On mettait le feu aux poubelles pour taper les pompiers dès leur arrivée. On vivait sur un coup de tête. La première fois que j'ai fumé du pédo, j'étais minot, t'as même pas idée. Une facilité pour la langue de Pourquin Jean-Baptiste. Malgré les 5 premières années de ma vie au bled, j'aime gagner, j'ai déjà le mental élitiste. Moi je déteste les défaitistes et tous ceux qu'on la flemme. Que des petits larcins, j'atteins l'âge de 15 piges et je deviens malsain. Je ferai tout pour qu'elle me voie, je veux absolument lui plaire. Si elle a un boule de bâtard ou des gros seins, dans la street je m'embrouille, tête à tête. Si j'ai perdu, on remet ça et je te fais ta fête. Cette époque est révolue, aujourd'hui les gens ne se battent plus. Ils viennent en équipe, c'est devenu des têtes à 7. Je suis un mec de la fourche, j'ai l'œil du tigre. J'habite à la frontière de Pigalle et des banlieues. Le grand banditisme, les touristes, cocaïne et les travestiments ivres. S'il y a jamais non-lieu, j'aime la nationalité de mon prochain. J'ai ce petit côté reporter à la moule ou d'Achour. Les gars font tellement le seum de me voir sortir de la mosquée que ces bâtards sont venus me contrôler 5 fois par jour. Oh, Islam, là, tu te mets sur le côté. Je connais la procédure, tu me sors ce que t'as. J'ai rien, tes papiers, je veux au studio ton petit frère là. Pourquoi tu m'en as pour un petit rêve, t'as un ouf toi? Et alors? De quoi je me mêle? Oui, je m'en mêle. Comment ça? Et ils sont où tes potes là? Ouais, pas, ils sont là. Voilà, là, quand j'ai seul, moi je suis là. T'es ma cache là. Tu parles de qui? T'es qui français c'est converti là. Ils sont où? Je vais te niquer ta mère. Oh, tu le calmes, tu prends les couilles. Un peu nerveux, un peu nerveux. Mais j'ai des frères pieux qui me font le rappel. Comme Kamel le malaisien, papa d'Awembi. Des fois je veux tout arrêter. Sérieux les frères, partir en Indonésie, mettre un fond dans la hiérarchie. Je me rappelle de la conseillère d'orientation. J'arrive en fin de troisième, elle me dit mon jeune Islam finit la récréation. Tu redoubles ou tu vas laver les vitres des gratte-ciels? Quoi? Eh ben oui. Mais non madame, mais je veux. C'est toi qui l'as voulu. Mais non, je l'ai pas voulu. Bah non. Je vais aller en général. Mais il est hors de question que tu ailles en général. Mais je. Mais tu te fiches de ce qu'on te dit. Mais non, je. Mais on te le dit depuis la sixième. Oh putain, y'a ma daronne. Ça y est. Bonjour madame. Bonjour. Islam. À la maison, je prends des raclés, je me fais toujours courser par le daron, ceinture à la main. Quand je rentre avec les yeux rouges ou qu'il a cramé, que j'ai des rouges, je parcours la vie sur une roue sans me soucier du lendemain. Faut que je me fasse une raison, que je me fasse violence. Que j'arrive à canaliser toute cette insolence, toute cette énergie, toute cette opulence. On danse au rythme des gyrophares de l'ambulance. Stylo dans la poche, chargeur de barrette entre les sèvres. Je bifurque, toujours couvert par les petits frères et sœurs quand c'est oh, je batte. J'ai rendu fou mes parents, ils m'ont dit tu verras tes enfants te feront vivre un cauchemar. Les jaloux, j'entends jacquer parce que j'ai un flot d'assassins que je fais 2-3 bifs. Quand je galère, je vais terrasser les rappeurs de Châtelet. Je les humilie, rentre au quartier avec 2-3 miss. Roule le compte avec Inaudi, son monte à rincer. Tout ça ne tient qu'à un fil avant de se faire épingler. Ça fait toujours charbonner les types les plus déter, même si c'est juste pour passer du point A au point B. Les gardes à vue s'enchaînent, on se réveille au dépôt. T'as pas payé plein pot, sans avocat tu prends cher. On nous menote en brochette, la tête contre le capot. Je sors du dépôt sans lacet, le caleçon collé, hey. Et j'ai quand même voulu m'inscrire à des formations dans cette société de francs-maçons. Putain d'entretien d'embauche, à chaque fois je perds patience. On ne t'apprend pas à pêcher, on te vend du poisson. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est moi qui ai appelé pour l'intérim hier. D'accord, oui, c'est ça. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Islam, monsieur. Très bien. Merci. Installez-vous, je vous en prie. Merci bien. Alors, dites-moi tout. Voilà, donc je suis à la recherche d'emploi. Ouais. Voilà pourquoi je suis passé par votre boîte. Et vous avez des diplômes? Non, j'ai pas de diplôme. Ouais. Mais je suis prêt à faire manutentionnaire. Ah bah ça va pas le faire, hein. Non, mais même manutentionnaire ou là. Ah non, mais même ça, hein. Ce que vous avez, monsieur. Ah non, ça va pas. Non, mais monsieur, je vous dis ce que vous avez. Je suis jeune, je suis motivé, je suis prêt à travailler. Ah, sérieusement. Non, mais n'insistez pas, ça sert à rien. Non, mais je comprends pas là en fait. C'est quoi qui vous dérange autant dans ma candidature? Non, là, non, non, n'importe quel petit boulot, je suis prêt à le prendre là. Ouais, bah vous allez prendre la porte. C'est tout ce que vous allez prendre aujourd'hui. Et quand je te serre ton cou, comme ça, esclave à bouton, t'es bien quand je te serre sous sécurité. Des hauts et des bas, des bons, des mauvais moments. Ouais, mais je regrette rien. C'est cette vie d'aloca qui a fait de moi l'électron libre. J'aimerais t'écrire toute ma vie, mais il n'y aura jamais assez d'arbres sur ce globe. Merci à toi, que tu me soutiennes de loin ou de près. Yeah, how? Yeah, how? 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Walid dans la nocturne. Tu veux sortir de la thèse mais tu n'y arrives pas. Tu vas te contenter des restes si tu restes là. Tenir le drapeau blanc t'intéresse pas. Avec les keufs tu joues à la corrida. Tu veux monter en échelon dans le bâtiment. Des trous dans les comptes ça arrive souvent. C'était ton pote mais il n'y a plus de sentiments. Dans un terrain vague t'auras ton châtiment. Même si c'était ton ami, maintenant tu dois rembourser. Ta mère te dit t'es plus mon fils. À la cité ils t'ont déjà remplacé. Maintenant tu vas finir tout seul. Même tes potes te repoussent. T'as même pas commencé que c'est fini. Donc maman, je voulais juste te dire que le ciel soit loué. Moi j'ai vu ce qu'il est stupide pour aller au studio. Maman, je suis désolé, tu voulais d'un enfant studio. J'ai fini au studio. Que le ciel soit loué. Moi j'ai vu ce qu'il est stupide pour aller au studio. Maman, je suis désolé, tu voulais d'un enfant studio. J'ai fini au studio. Maman, tu me disais mon fils, quand tu sortiras, s'il te plaît reste en bas. Sauf que c'est juste en bas qui vend de la drogue. Maman, tu sais quoi, je viens de comprendre. La rue c'est comme dans GTA. Pour pas perdre la partie, faut connaître les codes. Le grand frère voulait que je prenne la relève. Si il tombe, je le relève. À 10 ans, il me montrait tout. À l'école de la rue, moi j'étais bon élève. Maman, je sais pas qui a raison. Tu sais, c'est pas si évident. Les grands ont fumé le coudron. La rue a fumé les grands. Le ciel soit loué. Moi, j'ai vu ce qu'il est stupide pour aller au studio. Maman, je suis désolé. Tu voulais d'un enfant studio. J'ai fini au studio. Que le ciel soit loué. Moi, j'ai vu ce qu'il est stupide pour aller au studio. Maman, je suis désolé. Tu voulais d'un enfant studio. J'ai fini au studio. Maman, je vais faire du son. C'est pas grave si je rentre tard. C'est pas comme si j'étais dehors. Traîner, voler au check-up. Maman, je vais faire du son. C'est pas grave si je rentre tard. C'est pas comme si j'étais dehors. Traîner, voler au check-up. Dans le bas, personne renvoie l'ascenseur. C'est la musique des bonnes, pas danseurs. Ils sont dans le four, c'est leur bon cœur. Puis moi, je fais des bons cœurs. Dans le bas, personne renvoie l'ascenseur. C'est la musique des bonnes, pas danseurs. Ils sont dans le four, c'est leur bon cœur. Puis moi, je fais des bons cœurs. Le ciel soit loué. Moi,

terminée. Pour la famille, je pourrais me dire, y'a des vols et décaler. Ceux qui voulaient me faire du mal à l'époque, personne me calculait. Monde me tassait maintenant, on m'appelle même à 5h du mat. Quand j'étais pas là, t'as fait tout ébailler. Personne veut l'amour, tout le monde pense qu'à mailler. Je veux me balader autour de ces connards, avoir tous les dollars, puis me tailler. Ils me veulent du mal solo, Rafalele. Y'a que des Tommy Heyou, Rafalele. Y'a que des pédales bah ouais, Rafalele. Y'a que des pétasses allées, Rafalele. À l'échauffement, tout est déjà avalé. Rafalele. Trop de tarot, photo que des tarés. On est pas et manipulé, t'es même mon état. Toujours pas haut, on est là pour décoller. Faire sourire la daronne, c'est ça le débat. Bif du Qatar et m'éloigner de la terre. M'éloigner de ces bâtards, c'est la panicateur. Y'a que des tchagas, arrête des balivernes. J'viens de débuter, mais j'vois que c'est la guerre. Ils me veulent du mal solo, Rafalele. Y'a que des Tommy Heyou, Rafalele. Y'a que des pédales bah ouais, Rafalele. Y'a que des pétasses allées, Rafalele. À l'échauffement, tout est déjà emballé. Si t'es pas carré, tu finis au carreau. Tu veux m'égaler, franchement m'en bats les couilles. Tu fais le mec, tu mets que des décaos. Sale bluffeur, tu sais même pas charger les douilles. Tes poteaux de carreau, tout le monde veut te douiller. Je suis sec avec elle, mais elle fait que de mouiller. J'ai la fierté de dire, personne m'a dérouillé. Grâce à la famille, je me suis qu'est débrouillé. T'as voulu me tirer des bols, pour l'instant j'ai vu que des buts. Je voulais aider des gens, mais y'a que le mal qui met des buts. Y'a que la maman qui t'épaule, sans elle dans cette ounia j'ai pas de but. J'avais le choix entre le foot et l'école, finalement les deux bails ont vu la chute. Ils me veulent du mal solo, Rafalele. Y'a que des Tommy Heyou, Rafalele. Y'a que des pédales bah ouais, Rafalele. Y'a que des pétasses allées, Rafalele. Y'a l'échauffement, tout est déjà avalé. Rap français 100% explicit lyrics. La Nocturne. Nouveau son de Niska, Gradure. Le morceau s'appelle Caraboca. C'est 100% rap français. Avec mes boucs, ça fume la drogue. Baby, bitch, it's top pour dégainer un bolido casse. J'suis un foot, rien à foutre. Everyday sur le rat, j'te parle pas de foot. Rien que ça fume, la drogue douce. Pédé, dire pas sur mon joint si tu tousses. Hey, hey. Bébé, va te refaire les fesses, pas de temps pour faire du squat. Elle a tellement mouillé quand j'ai les doigts et que j'en ai les mains à moi. J'ai vu qu'on redécorombe, pourquoi il faut ton matisse à l'icolo. Donc avec mes nègres dans le pueblo, sa bibi, sa détaille est killer. J'ai mon joujou caché dans la vago. Delta Charlie, Delta Tango, Schweitzer, Schwedo. On t'écoute, je fume à toi. On est comme nous des loups. On regarde nos vies d'ado. Ma chérie fait du squat. J'fais des pompes, j'fais des abdos. Mon lit dans le sac à dos. On regarde en bouillon, on craque des milliers d'euros, des milliers d'euros. Y'a pas qu'on arrache en déchaîne, qu'on revend du doré, qu'on revend du doré. Un corps de l'essence, une corde, imbriquée une forêt, imbriquée une forêt. Nouveau flow, nouvelle prod, nouveau style, nouvelle catégorie. Fuck. J'vais leur briser l'orifice, j'vais ma part du bénéfice, Ils vont demander l'armistice, j'crois que j'ai capté le vice, j'vais plus prendre le bus, Vente de cocaïne, vente de cannabis, vente de OG cash. Vente du carré VIP, j'suis avec l'équipe, gros magnum Grigus. J'suis dans le rap français 100% explicite lyrics. La Nocturne. L'album est dans les bacs depuis aujourd'hui. Dossé African History X maintenant dans La Nocturne 100% rap français. Hey, je voulais juste une Bugatti. Je voulais juste une Bugatti. Faire du gros pif, le claquer sur les grandes avenues de Floride ou Cali. Je voulais juste une Bugatti. Je voulais juste une Bugatti. Je viens du peuple plus high. Je viens de la terre la plus salie. Je peux te le jurer sur ma vie. Yuri n'a jamais trahi. Je voulais juste une Bugatti. Lamborghini, Ferrari. Je voulais pas de nouveaux amis. Je les vois tous, ils font crari. Toutes ces choix me veulent pour Marie. Me guettent dans le peu qu'ils voient le prix de mes habits. Je voulais juste une Bugatti. Je voulais juste une Bugatti. Double R Maserati. Et vous m'en verrez ravi. J'voulais juste une Bugatti. Et j'm'en tape de vos avis. Lamborghini et Ferrari. Est-ce donc bien ça le paradis? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Le système nous a eu et moi le premier. C'est bien assuré que je sois trop occupé à courir après cet argent pour survivre. Je suis omnubilé par les deniers. Parfois je repense à quand les grenets se faisaient crever pendu par les deux pieds. Enculé, mais qu'est-ce que tu viens parler de paix? Que Dieu leur pardonne le mal qu'ils ont fait. Nous ont menti sur la taille de l'Afrique. Réduisent mon peuple à la taille de sa bite. Je t'ai déjà dit, je suis prêt à fumer les miens pour les libérer du mal qui les habite. Tous ces négros veulent éviter la pluie, mais c'est dans des maisons en feu qu'ils s'abritent. L'esprit du père, tout sans repère, à se chercher entre le Coran et la Bible. Ego, j'ai des refrains blancs et repeux, malgré ce que leurs ancêtres ont fait au mien. Laisse-toi donc tirer sur ce joint de feu. Je veux juste tout oublier, me mettre bien. C'est sur mon histoire que le monde entier chie. Ma fierté qui donne à manger aux chiens. Des fois je ralentis et je relativise. Pense à ce que peut ressentir un Amérindien. J'ai plus en plus de mal avec l'être humain. Plus je connais les hommes, plus j'aime les femmes. Plus je connais les femmes, plus je me rends compte de ce que vaut la loyauté de mon doc argentin. La putain de sa mère, je peux t'en bloquer partout en tisse. Tonnerre de Zeus, quand on est bon, est-ce par amour du bien ou juste par peur de la colère de Dieu? Yeah. Je voulais juste une Bugatti. Faire faire du grand pif, le claquer sur les grandes avenues de Floride ou de Cali. J'voulais juste une Bugatti, j'voulais juste une Bugatti. J'viens du peuple plus high, j'viens de la terre la plus salie. J'peux te le jurer sur ma vie, Yuri n'a jamais trahi. J'voulais juste une Bugatti, Lamborghini, Ferrari. J'voulais pas de nouveaux amis, j'les vois tous, ils font crari. Toutes ces choix me veulent pour Marie, m'guettent dans les bugs, ils voient le prix de mes habits. Yeah ho. La nuit je dors plus, me pose plein de questions. Je réfléchis. Je crois que les coups de fouet nous ont tué le caisson. On fléchit. Chaque fois que je nous regarde faire, je prends un coup de pression. Je vois la terre-mer se faire brouter le fion. J'ai compris que nos premiers ennemis se trouvaient parmi nous. Prends la vie comme elle vient, si ça te change, la prends parmi nous. Je croyais un peu pour la cause avant j'étais naïf. Mais trop de ces blagos, voulais être calife à la place du calife. Y'a pas de noir, y'a pas de blanc, y'a que des riches, des vrais pots, des forts et des fêtes. Pas d'homme au-dessus de l'homme, j'pense qu'on a juste dû enchaîner trop de grosses défaites. Pour bomber le torse, pas besoin de porter un t-shirt noir et fier. Moi j'veux faire la guerre, niquer des mères, disposer de mon système bancaire. Mais pour l'heure, j'veux faire du grand pif, le claquer sur les grandes avenues de Floride ou de Cali. J'voulais juste une Bugatti, j'voulais juste une Bugatti. J'viens du peuple plus high, j'viens de la terre la plus salie. J'peux te le jurer sur ma vie, Yuri n'a jamais trahi. J'voulais juste une Bugatti, Lamborghini, Ferrari. J'voulais pas de nouveaux amis, j'les vois tous, ils font crari. Toutes ces choix me veulent pour Marie, m'guettent dans les bugs, ils voient le prix de mes habits. J'voulais juste une Bugatti. Tout le Air Maserati, et vous m'en verrez ravi. J'voulais juste une Bugatti, et j'm'en tape de vos habits. Lamborghini, Ferrari, est-ce donc bien ça le paradis? 100% rap français, 100% explicite lyrics, la nocturne. Zango. Il débarque dès lundi 20-21, c'est dans Planète Rap. Zango le dozo. Caris. Zango le dozo. Caris. Fallait que je sorte du zoo. Il n'écoute pas ce que je dis, il ne voit que la couleur de ma peau. Comme toi, je veux la villa au bled. Comme toi, je veux être proprio. Je fume de la drogue, je suis dans le game. Fuck le CIO. Si tu cherches le ralice, c'est que tu cherches Caris. Je suis avec des DZ sauvages dans les rues de Birmoran Raïs. On va les arroser, ils auront le cul sec, mais troué. Biatch! On résiste à tout dozo descendant de ses coutourés. Caris! J'm'endors serein comme Pierrot, milieu de terrain comme Pirlo. T'es faux comme des implants, tu n'es qu'une banane tablant. Elle aime le liquide, ouais, c'est de la moule d'eau douce. Elle aime que je dirige son gros boule comme un V12. L'alcool c'est pas bon, et le shit c'est pas mieux. Non, non, ça adoucit, choque dans la banlieue. On n'a pas trouvé mieux. J'fais du bruit comme un raptor, genre ma bite comme le marteau de Thor.

Toi t'as pu y avoir des, tu penses avoir des super pouvoirs. T'es farhan, cassage de zen, on risque de décevoir. Ta gomouille pas, nous on a les accessoires. C'était ta halal hier, ça sera ma bitch juste pour ce soir. Le 10, what the fuck. Je viens de la rue, je viole le game, fils le top. Faut faire du bif gros, je connais la méthode. Bitch please gros, quoi musclé, j'aime l'effort. On suce personne, non ça va l'air. Leur fausse vide voyou, non ça va l'air. Tu connais lui, tu connais elle. Va te faire sauter un peu comme un galet. Je suis hors classement, ne cherche pas à m'égaler. Je leur mets la pression comme le goût du fer sur un palais. Que des baisers dans le hood, bordel de chasse. C'est la course au cash dans le four. Vite, vite, faut qu'on maille. On brouille sous rapta, coup de barre, coup de schlasse. Tous fâchés, tous bad, on s'emballait, goodbye. J'ai fait du buzz, ils ont cru que j'étais un millionnaire. 10 ans d'avance sur le game, je suis un visionnaire. Insomniaque, je dors pas gros, j'ai jamais sommeil. Je suis dans la Clio, bientôt dans mon vaisseau. Pour les 10, what the fuck. Je viens de la rue, je viole le game, fils le top. Faut faire du bif gros, je connais la méthode. Bitch please gros, quoi musclé, j'aime l'effort. On suce personne, non ça va l'air. Leur fausse vide voyou, non ça va l'air. Tu connais lui, tu connais elle. % rap français. Aladdin 135. Demi-tour freestyle dans la nocturne. Et après classique. En vista, moi je suis Roger ou Nadal. Tu feras pas le quart de ce qu'on a fait dans Paname. Oui, on a connu les rochers, la dalle. Ne fais pas le dingue si au final tu sais que tu bats le nav. Ouais, ouais, c'est bien nous dans le secteur. Tu nous as reconnus et ce parmi tous les vecteurs. Fébelec, ne nous mets pas la banane. Tu vas respecter comme si on s'appelait l'inspecteur. Nouveau spectacle, pétasse, respecte-toi. T'es encore en soirée alors qu'il est déjà 7h. Tu sais ce mec là, il me déteste moi. Car il sait très bien que je pourrais péter une de ses serres. Bitch, bitch, tu nous verras dans le top 5. J'arrive en soirée, le proprio dit que j'ai trop de 5. C'est 135, donc il ouvre la porte. Il le fait pas, je crois que mes gars lui coupent la gorge. Je suis loin quand je me fais discret. Les filles bien sont malines, parfois des grosses putains. Je connais les disquettes, moi j'en ai vu plus d'un. Pour une meuf qui patine, patine. Pour du genre à roue, une meuhard. Une vieille embrouille qui dépasse les menaces. On soupe que des meux gras. Et on sait que l'histoire va sûrement ralentir le feu. T'as un petit la vie te braque, donc tu fais des feu gras. Mes amis me disent que la vie me gâte, me gâte. Tu sais, tous mes gars sont bien trop te gâte, te gâte. On prend un billet, on fait ça, me da, me da. Panama Bend, élimine les raclos qui se prenaient pour montagne et ne font que du gospel. Panama Bend, élimine les bateaux qui voulaient prendre mon cas pour péter le gros sel. Système codé, je me barre à El Feli. Tu peux pas détrôner, mes bombes sont des félines. Équipe côté, aussi vicieux que l'Italie. Je la prends de côté juste après l'avoir féline. Festin, je vais dîner, j'aime les vraies choses. En place, ça se graillou, t'as vu que ça se réchauffe. La dernière fois que je t'ai vu, il faisait très chaud, ma belle. Si tu manges pas jamais, tu ne me réchauffes. Non, non, tu fais demi-tour. C'est un demi sein, demi-boule. Oh oh, la devise tourne. On est en 2020 et 2012. PP, c'est le PSG. On a les meilleurs gens, le meilleur staff. On est 7 PDG. T'es le caniche, on est le nouveau staff. Non, non, tu fais demi-tour. C'est un demi-saint, demi-boule. Oh oh, la devise tourne. On est en 2020 et 2012. PP, c'est le PSG. On a les meilleurs gens, le meilleur staff. On est 7 PDG. T'es le caniche, on est le nouveau staff. Je suis à l'hôtel au calme et des putains m'appellent. Les vibrations de mon phone, elles résonnent, mais je reste dans le lit, je ne pense qu'à la ken. Je suis obsédé par les schnecks et les sommes, une routine en parfaite. Oui, j'en ai vu des choses aussi profondes que la mer dans mon cœur. Je recherche un idéal où je peux esquiver la névrose. Quand je rappe, je veux que mes écrits leur servent. Génération soumise par le système. Est-ce qu'on se lèvera maintenant qu'on peut manger? Génération égarée dans l'ivresse. Pensez-vous vraiment qu'il n'y a plus rien à changer? On se bat, mais nos combats ont peu de valeur à l'heure. Si nos vies tournent seulement à deux à l'heure. Ton importance au fond, elle est ingrate. Tu crois que tu baisses, mais tu as peu d'impact. Je suis dans le bangs, bangs, bangs. Je la baisse, baisse, baisse. Tu le sais, sais. Qu'on est seul, seul, seul. On est mal boulonné par la peur. Tout le temps, on baisse d'égo. Mais l'humain est couronné par la valeur que lui donnent les autres. Ouais, ouais. Tout ceux qui t'aiment aimeraient te façonner. Même ceux qui m'aiment pas au fond sont fascinés. Elle est dans la cuisine, elle prépare le dîner. Je quête son gros cul, je sais quelle femme le donner. J'ai tout mais parfois l'impression que j'ai rien. J'ai tout fait, ma voix porte le son des miens. Donc quand j'ai mal, mal, mal, je me barre, barre, barre. Loin d'ici pour éviter les drames, drames, drames. Ouais, quand j'ai mal, mal, mal, je me barre, barre, barre. Loin d'ici pour éviter les drames, drames, drames. Planète Rap, 100% rap français. La Nocturne, 100% rap français, ils vont bientôt venir d'ailleurs dans une Nocturne, SNIPER, le concert le 22 novembre, à pas louper, tiens, toute la semaine prochaine entre 9h et midi, je file des places pour le concert du Zénith de Paris de Sniper, voici Brûle. Parce que quand on frappe, il nous traîne, parce qu'au fond, il nous craigne, parce qu'au JT, il nous cesse, parce que la coupe devient pleine, car le sang bout dans nos veines. Car il faut briser les chaînes, les chaînes. On aimerait qu'ils nous comprennent. Ils ont refusé parce qu'ils ont semé la haine. Bienvenue en banlieue où les darons sont dans la tourmente. Par tournante, juste deux, trois tests comme plaque tournante. Joue ici doucement, doucement, doucement. De vouloir devenir millionnaire avant de dépasser les 30 balais. Grand ou gringalet, les armes vous êtes là, la arme qu'il fallait. Le ploy part dans le matelas. Des mâles, les petits enfants ont des crampes à l'estomac. Pour arriver à leur fin, ils iraient même jusqu'à traumat. Et rate pas ton coup, gratte pas les gens. Assister des temps modernes et voleurs par tous les temps. Grand, les petits boss, pétard, puis ils bougent. Expérant dos qui tombe par la main au feu rouge. Et y'a le pistolet. Et les gros Beretta, comme y'a les soirées ghetto. Et puis les soirées guetta, tous la coupe en le méta. Des crampons, un grand pont, y'a la loi de l'omerta. Vend les ch'tards, ferme-la, grande coupe. T'as la frousse, donc tu tousses, tu t'expliques. Ferme-la, gousse, les keufs connaissent l'odeur de ma bite. J'habite où j'ai grandi, au quartier, pas d'MJ. Peu de bite, peu d'MC, trop d'épée, de la PJ. Oui, des rêves ont réagi face aux propos outranciers. Un crime impuni, de la gazeuse dans une mosquée. Du mirail au bosquet, engrenage, grammatier. Fête, fait boule de neige, photomatraquage médiatique. Ils parlent de Karcher, divise la France. Sans deux sarcos, à la vache, à l'éléphant bleu. Mais ce qui est malheureux, c'est que l'on brûle le peu qu'on a. Qu'il suffirait de voter pour incendier ces connards. Brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends de crier, faut que tu hurles. Que la chaleur fasse son départ aux des cellules. Qu'elle incinère ton système qui part en testicule. Firebrand brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends de crier, faut que tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais en fin de compte on recule. Un morceau lance, pas pour la jeunesse qui tente. Plus je grandis, plus je vois que tout va à travers. En fait, on vient sur cette terre pour qu'on nous la mette à l'envers. Babylone, mon flow est un virus dans tes programmes. Il désinstalle, il nique, et puis tout crame. Bonne, bonne, bonne, j'ai fait sonne ma bonbonne. Rempli de vibes trop bonnes, man, j'ai sorti my weapon. Comme dirait Jaguar Gorgon, je viens foutre le fire, je crache des flammes comme un dragon. Nique le système, ils auront le feu car ils ont semé la haine. Qu'on les brûle, qu'on les pend ou qu'on les jette dans la scène. La jeunesse du ghetto, la rage qui coule dans les peines. Il faut briser les chaînes. L'esclavage est mental et modernisé. Vous nous marchez sur la gueule, vous nous méprisez. Man, t'étonne pas si ta caisse est carbonisée. Peu importe qui s'est senti visé. Brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends de crier, faut que tu hurles. Que la chaleur fasse son départ aux des cellules. Qu'elle incinère ton système qui part en testicule. Firebrand brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends de crier, faut que tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais en fin de compte on recule. Un morceau lance, pas pour la jeunesse qui danse. Okay. Je l'issue de l'immigration, comme ils aiment tant le rappeler. Ça fait 30 ans qu'ils font que de parler d'intégration. Je me sens pas français, forcé de constater que l'on sait. Bah tu refuses, c'est juste un fait. Je fus, je sais, et le fossé se creuse de plus en plus. Tous ces mythos font leur buzz. Sans l'insécurité, je sens la peur des gens. N'hésite pas à draguer l'électorat du front. Si je sens que l'histoire se répète, j'entends parler du rôle positif de la France durant les colonies. Putain, c'est quoi ces conneries? Quand nos pères étaient utiles et productifs, ils étaient bons pour ce pays, okay. Mais quand leurs fils crient vengeance, ils sont bons pour leur pays d'origine, la France. Un pays régi par des irresponsables qui multiplient les maladresses. Ne demande pas pourquoi je l'agresse, je m'adresse à son premier flic, un mec qui nie les faits, qui salit la mémoire des victimes, qui met de l'huile sur le feu, comportement indigne. Tu es prétentieux, trop ambitieux, tu vas nettoyer qui? Brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends de crier, faut que tu hurles. Que la chaleur fasse son départ aux des cellules. Qu'elle incinère ton système qui part en testicule. Firebrand brûle, brûle, Babylone. Je t'entends de crier quand tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais en fin de compte on recule. Un morceau lance, plein pour la jeunesse qui danse. 100% explicite lyrics. Planète Rap. Sniper, combat, combat, combat, ouais. Oh, yeah, man. Win the game, the sniper, we make the culture, the culture. Show them, show them, show them. C'est beau, microphone, on déploie. Semaine, il y a des places pour Sniper. Il faudra envoyer au 720 SNIPER. Simple, rendez-vous lundi. La nocturne. Ouais, tout donné. Yeah.